40 000 euros, le terrain de Teuchy remplacé par l'héros. Le froco est rempli de mucho dinero. Je lui fais boue, ça y est mou, mais j'ouvre les yeux sous l'eau. Même si j'ai confiance, je rencontre le feu, je rencontre le feu. Même si j'ai confiance, RSI c'est adéquate. Injection des douilles à droite, truc de Benny. Dolce Gabbana, Porsche 911 Targa, on pollue la jungle avec ton sachet de taga. L'argent te rend paranoïaque et tu sais, hein, mes chevaux sous le capot vont plus vite que leur destin. Une suite pour toi et tes copines, allez, bamos. Mon Bluetooth est toujours relié à un gros gamos. Si on a des antécédents, je vais te charcler. L'armoire à fusil n'est jamais fermée. Tout le monde voit que j'ai une touche. Des low-key de schnouf, y'a rien de louche, y'a rien de louche. Si tu veux pas bouge, si je te raye c'est carré croix rouge. Je transporte mon bébé, j'ai besoin d'une ouvreuse à 200 pour les consignes de sécurité. T'inquiète pas pour tes talons, partout je mets les pieds, y'a un voiturier. Tout est prêt, tout est vrai, les sapes et les yébis sont repassés. Tout est prêt, tout est vrai, dès que je fais tomber le peignoir Versace. Elle prend beaucoup, beaucoup de coups d'épée, elle prend beaucoup, beaucoup de coups d'épée. On tape, on se replie, ouais tout est vrai, on tape, on se replie. Ouais, tout est vrai, tout est prêt. Je l'attends vers les trèfles pour piquer son butin. J'ai cassé son carreau et son cœur. Je le vois dans leur jeu de cartes, demande à joker. Je veux régner sur le monde comme Batman sur Gotham. Ça fait 48 heures qu'elle veut me faire cracher liquide. Tu m'as pris pour une bite. Ça fait 48 jours que je suis sur un plafond. Plus jamais vendre des 10, en vrai c'est ça mon but. Faire du sale en gros. Envoyer à toute patate des mal avocats. En vrai c'est ça mon but. Nique sa grand-mère les potes, à la base tout ça c'est pas ma faute. En hiver je les réchauffe, en été je suis plus là. T'es trop loin pour me dire amène-moi un tronc lit. De toute façon je fais plus de basse, je suis perso sur ce coup là, j'encule ces incapables. 2 ans on change au radar, je suis dans mon bat et je fais plus de sous que ces bâtards. J'entends la main, ils veulent m'embêter, j'ai eu tort. Un parlement à quoi bon quand y'a un pétard. Épargnez-moi, c'est pas ma faute si t'es bavard. Une parole en trop et je te fais faire le grand écart. Hey. Tout est prêt, tout est vrai, les sapes et les yébis sont repassés. Tout est prêt, tout est vrai, dès que je fais tomber le peignoir Versace. Elle prend beaucoup, beaucoup de coups d'épée, elle prend beaucoup, beaucoup de coups d'épée. On tape, on se replie, ouais, tout est vrai, on tape, on se replie, ouais, tout est vrai, tout est prêt, tout est vrai. Les sapes et les yébis sont repassés. Tout est prêt, tout est vrai. Dès que je fais tomber le peignoir Versace. Elle prend beaucoup, beaucoup de coups d'épée. Elle prend beaucoup, beaucoup de...